À l'occasion de l'anniversaire du président Kim Il-sung, l'Association internationale des Coréens pour la réunification a fait paraître le numéro spécial de la revue mensuelle sociopolitique Réunification sous le titre 15 avril, journée du soleil de la République populaire démocratique de Corée et 105 ans de l'ère Juche et le numéro d'avril 2017. Le numéro spécial a illustré le portrait en sourire du président coréen, les photos sur sa brillante vie révolutionnaire par ordre chronologique, les tableaux de peinture figurant le président, l'histoire abrégée de ses activités révolutionnaires et les principaux contenus du tome 1 de ses mémoires à travers le siècle. Le numéro d'avril 2017 a présenté les photos des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un et les nouvelles de ses tournées d'inspection. Il a aussi fait part des nouvelles sur la situation dans la péninsule coréenne, des compatriotes coréens et de la culture.